12.3. Production orale. Maintenant, dans la conversation téléphonique entre Guylaine et Mireille, vous allez jouer le rôle de Mireille. Chaque fois que Guylaine dit quelque chose, vous dites le contraire. Par exemple, vous entendez... 1. Il fait mauvais. Et vous répondez... Il fait beau. Allons-y. 2. Il fait un temps affreux. Il fait un temps magnifique. 3. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. 4. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. 5. Il pleut. Il fait beau. 6. Il fait froid. Il fait chaud. 7. J'attrape des rhumes. J'attrape des coups de soleil. 8. Je me ruine en aspirine. Je me ruine en huile solaire.